Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet au choix musical et à l'animation pour votre rendez-vous hebdomadaire avec du bon rock progressif d'aujourd'hui. Et on vous invite, comme à chaque semaine, à visiter notre site web, donc Terra Incognita, tout d'un mot, québec.québec. www, évidemment. Vous allez tomber sur toutes les informations sur nos contenus d'émission, également le magazine Terra Incognita et le festival. Le festival Terra Incognita, comme vous le savez, probablement est à sa 12e édition et c'est dans un mois. Ça s'en vient vite, le 20, 21 et 22 mai prochain au Centre d'art La Chapelle, avec des groupes d'ici, des groupes internationaux, dont RPVL, qui viennent le vendredi soir nous présenter un hommage à Pink Floyd avec le spectacle The Man and the Journey, un spectacle qui a été joué à peu d'occasions en 1969 et qui a donné qui était basé sur les pièces de Umaguma et More. Donc c'est à voir là, ils sont vraiment vraiment très bons, RPVL. Le lendemain, ils sont là le 21 mai pour présenter leur musique. Et juste avant eux, il y a Able Gans de l'Angleterre et Inner Odyssey de Québec. Et le 22 mai, le dimanche, la journée débute avec Kinetic Element des États-Unis, Unreal City de l'Italie et Sylvan de l'Allemagne. Alors, c'est à ne pas manquer. Il reste certainement quelques billets encore, j'espère. En tout cas, renseignez-vous auprès du Centre d'art La Chapelle, donc pour le festival Terra Incognita. Parlant de festival, il y a un festival actuellement, en fin de semaine, en Belgique, qui est le festival Progrésiste, et on est un peu associé avec Progrésiste là, pour faire de la promo et faire connaître le rock progressif d'ici. Alors ce soir, on a plusieurs nouveautés pour vous. On a d'abord un groupe du Québec, House. Leur plus récent album, Neither in Heaven, qui est sorti le 1er avril. On a une belle pièce de cet album-là, qui est un album qui est encore meilleur que le premier. Un groupe qui nous a présenté leur premier album, d'ailleurs, au Festival Terra Incognita l'an dernier, à Québec. Alors ça sera la pièce d'ouverture, la pièce Synesthesia. Ce sera suivi de Ampledeed, des jeunes des États-Unis, de la Californie, avec leur second disque By Hob, la pièce Triple Cancer Moon. Et on aura une autre nouveauté de l'Italie cette fois-là, c'est le groupe Jekyll's Tear, donc la larme de Jekyll. Ce groupe-là avait fait paraître un premier album en 2006. Et c'est leur second, donc 10 ans après leur premier, Primati. C'est dans un style jazz, prog jazz, un peu funky. Vous allez voir dans la pièce que j'ai choisie pour vous. Mais tout d'abord, on débute avec House et Ampledeed. into the past, chasing the lines between the dots. A grain of sand lost along my thoughts. Try to fence between two lands, the border of your time, between the child and mother's heart, a sad destiny that depart.

Et c'est leur second album, comme je le disais précédemment. Ils en avaient fait un premier en 2006, donc un retour après 10 ans. C'était la pièce Preambolo. Les pièces sont pas toutes comme ça. C'est un peu dans cette ambiance-là, si on veut, mais il y a des bouts que c'est plus funky, d'autres bouts c'est plus un peu dans la style Canterbury. Mais c'est un bon disque. C'est intéressant pour ceux qui aiment le prog plus jazzé. Juste avant, il y avait le groupe américain Ample Deed, tiré de leur second album, paru également cette année, Biob, et la pièce Triple Cancer Moon. Et l'émission avait débuté avec le groupe québécois House, tiré de leur nouveauté, qui vient tout juste de sortir, Neither in Heaven, et c'était la pièce Synesthesia. Alors, on poursuit encore avec des nouveautés. En fait, c'est un second extrait de deux nouveautés qui vous ont été présentées la semaine dernière par Jean-François. Juste avant, je vais vous parler aussi d'autres spectacles qui s'en viennent dans ce mois-ci au Cercle. Le 28 avril, il y a Stickman, c'est avec Tony Levin à la basse, Pat Mastelotto à la batterie, ainsi qu'un guitariste dont le nom m'échappe. Il y aura également au mois de mai John Anderson avec Jean-Luc Ponty. Anderson Ponty, donc, au Palais Montcalm, voilà, le 27 mai. Et également, le 2 juin, à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou à Québec, Peter Hamill. Il faut pas le manquer parce que, en fait, c'est les deux, Montréal et Québec, les deux seuls concerts annoncés pour Hamill cette année. L'an dernier, il n'en a donné qu'un seul concert. Alors, il a ralenti pas mal, malgré qu'il va continuer à produire des disques. Il y aura un disque de Van der Graaf qui sortira en septembre prochain. On aura l'occasion de s'en reparler, c'est certain. Alors oui, pour le deuxième bloc, donc un deuxième extrait du groupe espagnol Apple Smell Caller. C'est une nouveauté, c'est leur premier album, ça vient tout juste de sortir, Uncropolusiousness. Oh, c'est tout un titre à prononcer. Il y aura la pièce Oil Slick. Une pièce qui rappellera peut-être un peu King Crimson par moment. Également, le groupe Tritio Ariga Kriget. C'est un groupe de la Suède et c'est leur plus récent album qui vient tout juste de paraître, Seaside Hair. C'est la première fois qu'ils font un album chanté en anglais. C'est leur 10e album en carrière, un groupe qui a débuté en 1974. Ils ont réalisé 3 ou 4 albums dans les années 70 et ensuite ils sont revenus dans les années 90 et 2000. Donc on aura un deuxième extrait de cet album, la pièce Behold the Pilot. Et ensuite, il y aura également Ost Sonatin. Vous avez entendu parler de Monsieur Fabio Zuffanti et sur Ost Sonaten, donc un de ses projets. C'est une symphonie, la symphonie numéro 1, donc c'est un mélange de rock et de classique. Et c'est excellent, c'est très prog. Alors, on aura un large extrait de Ost Sonaten, Cupid and Psyche, mais tout d'abord, Apple Smell Caller et Tritio Ariga Kriget. Songs, perks, personnel is highly toxic. As our intelligence reports, dancing shoes, paper, pencils and pens, cameras and musical instruments. We'll be right back.

un nouvel âge était né. Il y avait suffi de quelques pionniers. Vous écoutez CKRL. De retour avec Bruno et Marc pour l'émission Terra Incognita. On espère que vous aimez ce choix musical des plus éclectiques. On avait terminé avec Ost Sonaten, c'est un projet italien, avec Fabio Zuffanti et Luca Scherani au clavier. Daniele Solo, Paolo Tixi. Et c'est Cupid and Psyche, Symphony No. 1. Et on avait les pièces de Sacrifice, Zephyr et Love Scene. Alors ça, c'est vraiment superbe. Un beau concept. Et Sonaten, ça fait quand même son 8e album. Le premier était éponyme, paru en 1997. Alors, juste avant, on avait eu Apple Smell Color. C'est de l'Espagne. C'est leur premier album et c'était la pièce Oil Slick. On poursuit maintenant avec un doublé italien, La Fabbrica dell'Assoluto. C'est sur Black Widow, les deux parutions. Le premier, c'est donc La Fabbrica dell'Assoluto, leur premier disque paru l'an dernier. 1984, L'Ultimo Uomo d'Europa. Et on aura la pièce La Stenza 101. Et ensuite, on aura le groupe Spetri, qui est un groupe des années 70, qui a fait un retour après 40 ans. Et leur album de 1973, La Nemica dei Ricordi, avec la pièce Onda di Fuoco. Et ensuite, on aura Libd, oui, le plus récent Libd, The Days from the Kellyanne Part 2, et un extrait de cela. Alors, on y va tout de suite avec ce doublé italien, suivi de Libd, sur les ondes CKRL, et on vous invite à consulter notre site web, donc www.terraincognita.québec, pour voir également les informations sur le festival Terra Incognita qui s'en vient dans un mois au Centre d'Art-la-Chapelle. Alors, on y va tout de suite en musique avec La Fabbrica dell'Assoluto. Thank you. les bouillons sur ma croix. Come le streghe che danzano di notte. Avanza imponente. Thank you. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Tu es mon amour depuis tant d'années. C'est là que le bonheur est l'objet d'une quête. Tu es mon amour depuis tant d'années. C'est là que le bonheur est l'objet d'une quête. La Barberie. Tu es mon amour depuis tant d'années. De retour avec Bruno et Marc. Et j'espère que vous avez aimé ce bloc qui s'est bien terminé avec un groupe que j'aime beaucoup. Je connais que leur plus récent album, paru l'an dernier, Herba d'Amélie de l'Espagne, leur album Interiors. Et c'était la pièce Experimentación, la seule pièce instrumentale de cet album. Juste avant, un doublé italien, il y avait Spetri avec Onda di Fuoco La Fabrica del Assoluto avec la pièce La Stanza 101. Et voilà, on poursuit maintenant avec une nouveauté, en fait, une autre nouveauté, Orion de la France, La Face Visible, c'est leur c'est paru l'an dernier, leur troisième album, et leur premier était paru en 79, ensuite ils en ont fait un en 2013, et là, ils arrivent avec leur troisième. C'est un groupe... je dirais assez qui mélange l'électronique avec le prog un peu. Il y a pas mal d'expérimentation, mais c'est donc La Face Visible. On aura la pièce bon, j'ai pas le nom de la pièce avec moi, mais quand même on aura ça. Et ensuite on y va avec Agusa, tiré de leur second album Tva. Et une pièce avec un titre pas prononçable, Gonglat von Winterwagen. Alors, on y va tout de suite avec ces deux morceaux sur les ondes de CKRL à l'émission Terra Incognita. We'll be right back.

C'est sur la musique du groupe suédois Agusa,